Jean chapitre 3. Or il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, qui était un des principaux d'entre les Juifs, lequel vint de nuit à Jésus, et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit, et lui dit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment peut naître un homme quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, et naître une seconde fois ?» Jésus répondit, « en vérité je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, est chair, et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème répondit, et lui dit, « Comment se peuvent faire ces choses ?» Jésus répondit, et lui dit, « Tu es docteur d'Israël, et tu ne connais point ces choses. En vérité, je te dis, que ce que nous savons, nous le disons, et ce que nous avons vu, nous le témoignons, mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai dit ces choses terrestres, et vous ne les croyez point, comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes? Car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est au ciel. Or, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a point cru au nom du Fils unique de Dieu. Or c'est ici le sujet de la condamnation, que la lumière est venue au monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque s'adonne à des choses mauvaises, est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient censurées. Mais celui qui s'adonne à la vérité, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites selon Dieu. Après ces choses Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée, et il demeurait là avec eux, et baptisait. Or Jean baptisait aussi en Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on venait là, et on y était baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or il y eut une question mue par les disciples de Jean avec les Juifs, touchant la purification. Et ils vinrent à Jean, et lui dirent, « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui. » Jean répondit, et dit, « L'homme ne peut recevoir aucune chose, si elle ne lui est donnée du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Celui qui possède épouse, est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui assiste et qui l'entend, est tout réjoui par la voix de l'époux, c'est pourquoi cette joie que j'ai, est accomplie. Il faut qu'il croisse, et que je diminue. Celui qui est venu d'en haut, est au-dessus de tous, celui qui est venu de la terre, est de la terre, et il parle comme venu de la terre, celui qui est venu du ciel, est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu est oui, il le témoigne, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage, a scellé que Dieu est véritable. Car celui que Dieu a envoyé annonce les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne point l'esprit par mesure. Le Père aime le Fils, et il lui a donné toute chose en main. Qui croit au Fils, a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.